c'est bon, j'arrive. Une feignasse, un type affreux. Jamais je me lasse de fermer les yeux. Moi quand je commence, je finis jamais. La somnolence est mon secret. Je fais jamais rien et ça m'épuise. J'ai une vie de chien qui me paralyse. Quand je lève les bras, c'est pour dormir. Mes hauts sont bas, mes bas sont pires. Je suis raplapla de haut en bas. Je vis à plat, c'est bien comme ça. Si je me couche tôt, c'est que je me lève tard. Je suis ramollo dans mon plumard. Et si souvent je reste au lit, c'est que j'ai pas le temps de gagner ma vie. Y'en a qui disent que je suis bon à rien. C'est des bêtises, moi je le sais bien. Je suis vraiment bon pour ne rien faire. Je suis le grand champion du somnifère. Je suis raplapla de haut en bas. Je vis à plat, je suis bien comme ça. Il faut pas croire que je me suis forcé. Je suis flemmard depuis que je suis né. Dans ma poussette, j'ai mes ronflés. Je suis épuisette, je suis défoncé. Elle est pas née, celle qui me lèvera, qui me fera quitter le fond de mes draps. Si parmi vous, il y en a une, le rendez-vous. Je vis à plat, c'est bien comme ça. Je vis à plat, c'est bien comme ça. Je suis raplapla de haut en bas. Je vis à plat, c'est bien comme ça.